Ils veulent que du Dolce Gabbana. Ouais, c'est chaud. 20 balles de bœuf, une Adriana. Ouais, c'est chaud. Des soirées de mafieux qu'à l'Italie. Ouais, c'est chaud. Buteur comme Monsieur Di Natale. Ouais, c'est chaud comme en série A. Des gros tacles à la gorge, on laisse nos vies comme des guerriers. Sur terrain, ça met des buts, mais dans la dupe, c'est trop miné. Minop, j'finis la taille, puis gamin, j'ai envie de tout piner. J'suis dans la Audi, j'fume la queue. 25 ans, j'pas connu qu'est. J'suis ni sous le secours pour mes proches. Faut prier même quand c'est pas la haisse. Pas l'alcool si j'dis que je t'aime, même si j'pas ton aime dans mon thème. À part Dieu, on a pas d'idole, c'est lui qui soigne quand le cœur il saigne. Ils veulent que du Dolce Gabbana. Ouais, c'est chaud. 20 balles de bœuf, une Adriana. Ouais, c'est chaud. Des soirées de mafieux qu'à l'Italie. Ouais, c'est chaud. Buteur comme Monsieur Di Natale. Ouais, c'est chaud. Ils veulent que du Dolce Gabbana. Ouais, c'est chaud. 20 balles de bœuf, une Adriana. Ouais, c'est chaud. Des soirées de mafieux qu'à l'Italie. Ouais, c'est chaud. Buteur comme Monsieur Di Natale. Ouais, c'est chaud. Les losers visent la série B. Leur carrière sur eBay, souris pas, ils ont pas d'idée. J'entends parler dans la zone. X9, c'est nous les hommes. On les respecte, les consignes, on sait pas c'est qui les donne. Tout ce temps, moi j'étais trop gentil. Ils me parlaient pas, aujourd'hui me gratte des entrées. C'est ça les rats, ils peuvent pas dire que j'ai changé. Très loin de là, très loin de là. Tout ce temps, moi j'étais trop gentil. Ils me parlaient pas, aujourd'hui me gratte des entrées. C'est ça les rats, ils peuvent pas dire que j'ai changé. Très loin de là, très loin de là, là, là, là, là. Ils veulent que du Dolce Gabbana. Ouais, c'est chaud. 20 balles de bœuf, une Adriana. Ouais, c'est chaud. Des soirées de mafieux qu'à l'Italie. Ouais, c'est chaud. Buteur comme Monsieur Di Natale. Ouais, c'est chaud. Ils veulent que du Dolce Gabbana. Ouais, c'est chaud. 20 balles de bœuf, une Adriana. Ouais, c'est chaud. Des soirées de mafieux qu'à l'Italie. Ouais, c'est chaud. Buteur comme Monsieur Di Natale. Ouais, c'est chaud. Les jaloux sont sérissés. Toujours dans l'excès, sans rien faire eux à part sucer. Victime de la réussite des autres, ils trompent pas les paroles, les actes. Je les lâche pas, mes vrais potes, c'est plus des contrats, c'est un pacte. Viens voir.